Il ne s'agit pas seulement de moi. Comment expliquer que Dors Venabili, une femme superbe aux multiples obligations professionnelles, abandonne tout pour m'accompagner dans ma fuite? Comment expliquer qu'elle risque sa vie pour sauver la mienne et se consacre à ma protection comme si c'était une sorte de devoir sacré, avec une obstination qui confine à l'entêtement? Était-ce simplement parce que vous lui aviez demandé? Elle ne me paraît pas être le genre de femme à bouleverser aussi radicalement son existence, juste parce qu'on le lui demande. Je ne peux pas croire non plus qu'elle ait eu un simple coup de foudre pour moi, sans pouvoir s'en empêcher. Je le regrette un peu, mais elle me semble maîtriser ses émotions bien plus, je vous le confesse franchement, que je ne m'en sens moi-même capable à son égard. Here's the encore for the sex business. You'll get one number and one number only, 'cause I'm a lazy bastard. This is no fun. We'll be right back. Walker Mama said, fun to be alone in love with a body else. No fun, my babe, no fun. No fun, my babe, you're no fun. Be alone, walking by myself. Fun to be alone, in love with nobody else. Bollocks, why should I carry on? No fun at all. No fun. ever get the feeling you've been cheated? Good night. Thank you. Seldon poursuivit. Plus étonnant encore, comment se fait-il que Maître du Soleil 14, ce monstre d'arrogance, à la tête d'une population elle-même pétrie de vanité, ait été prêt à accueillir deux barbares comme Dors et moi et à nous traiter aussi bien que pouvait le faire et que l'on fait les mycogéniens. Alors que nous avions enfreint toutes les règles, commis tous les sacrilèges, comment avez-vous fait pour le convaincre de nous laisser repartir ? Thank you. Comment avez-vous fait pour convaincre les Tissalvers, aveuglés par leurs préjugés mesquins, de nous accueillir chez eux? Comment faites-vous pour être à l'aise où que ce soit? Vous liez d'amitié avec n'importe qui, influencer tout le monde, nonobstant les particularités individuelles. Pendant qu'on y est, comment êtes-vous arrivé à manipuler Cléon? Et s'il est aussi malléable et modelable qu'on le dit, comment avez-vous fait pour manipuler son père, que tout le monde s'accorde à considérer comme un tyran arbitraire et brutal? Comment avez-vous réalisé tout cela ? Thank you. Mais surtout, comment se fait-il que Manix Cat de Cannes ait pu passer des dizaines d'années à édifier une armée incomparable, entraînée à l'efficacité dans les moindres détails, et qui pourtant se désagrège dès que sa fille s'avise de l'utiliser ? Comment avez-vous réussi à persuader ces hommes de jouer les traîtres sans exception, comme vous l'avez fait ? Smith is mad. on his past. His wings stripped by thunder, but the storms keep coming back. Singing birds in sickness sing the same blue song. When they fell out of the emptiness, they must have brought a even he does not admit it. That glittering flash in his eyes makes it look like he might be all right. But if the blues are you will come face to face that darkness and desolation and the endless, endless, endless, endless, endless, endless depression. Try to beat it.